plus important, c'est l'honnêteté. L'intégrité, le dur labeur. La famille. Ne jamais oublier d'où nous sommes venus. On est ce qu'on est, franchement. Et ça, c'est de deux choses d'une. On est quelqu'un ou bien. On est personne. Je suis content. Je suis content pour vous. Profitez-en. Dites-moi que je suis une incarnation du mal. Dites-moi que je représente tout ce que vous haïssez. Quoi d'autre? Que je suis responsable de l'effondrement général des valeurs humaines et de l'ordre du monde. Je suis le père des génocides. Dites vite ce que vous avez à dire. Il n'y a pas beaucoup de temps. Vous n'écoutez pas ce que vous dites. Vous êtes idiot. Ce soir j'ai juste envie de kicker avec ma feuille et mon briquet. Je crois que j'ai juste envie de parler un peu, le cerveau étriqué. Plus j'avance, plus je suis déçu, mais pas prêt d'abdiquer. Comme j'ai pas trop au-dessus, on essaiera tous de s'impliquer. Des gros bagages sous les bras, c'est carnage dans les crânes. Jour bonheur, on soulèvera après l'orage, même si on crame. Peur t'es seul et ça m'attriste, dur de faire le deuil, je le comprends, je suis comme Néo dans la matrice. Leur monde c'est que de la conce, on prend, on jette, on change. Même avec ta gonce, tous vend, tous achètent et tous s'échangent. Des idées farfelues pour tous les fanfarons. J'ai pas attendu pour savoir que ça tourne vraiment pas rond. On court après les années comme Tracy Chapman. T'as beau tout donner, y'a un truc qui m'échappe mal. On pas le temps pour zoner, frère, on est seulement responsable. Éducation à donner, dans la maison ou dans le cartable. Pas de conseils, moi je suis personne. N'hésite pas à me faire signe, j'ai que mes voyelles et mes consoles sur le sol meurtri. J'ai juste envie d'écrire, vider mon sac de foutre. De faire le vide, laisser partir toutes ces phrases. On aille, j'oublie tout, toutes les galères qui m'entourent. Comme un graffeur au fat cap, ça guette les alentours. On s'évade comme on peut, tu sais, de la prison de nos pensées. Devant y'a pas de QC, on s'évade comme on peut, tu sais. La jeunesse a une dalle de ouf, pris dans un piège. Ça rêve des gérants de puis sous écrou, cramé dans une caisse. Les darons de soupe, escabou de soupe, fondu sans d'encre. L'odeur du soupe parcourt la course comme un sangade. Trouver les ressources pendant la secousse avant de finir en boîte. J'ai du cœur pour tous et c'est tout ça qui me déboîte. Ce soir j'ai juste envie de kicker avec ma feuille et mon briquet. Moi j'ai juste envie de parler un peu le cerveau étriqué. Alors sur les pages mon livre, cœur en otage, gros dommage. Mon art n'a toujours pas trouvé l'art de vivre. Alors sur les pages mon livre, survie en marche. Pourtant je relâche mais pas le pouvoir à d'art de vivre. Alors sur les pages mon livre, cœur en otage, gros dommage. Mon art n'a toujours pas trouvé l'art de vivre. Alors sur les pages mon livre, survie en marche. Pourtant je relâche mais pas le pouvoir à d'art de vivre.